Chapitre 31e. Saint Ostrobert entra dans le salon, léger, souriant comme à l'ordinaire, et il vint serrer la main de Madame Denis avec ses démonstrations de politesse respectueuse qui étaient un des traits de son caractère. Quant au vieux bonhomme à cheveux blancs qu'il aperçut devant lui, il y fit à peine attention. Un indigène de la Gironde de passage à Paris sans doute, une espèce. « Monsieur Alzinbert, dit Madame Denis, rappelée à ses devoirs de maîtresse de maison, « permettez-moi de vous présenter Monsieur le Vicomte de Saint-Ostrebert. » À ce nom, la physionomie de Saint-Ostrebert changea instantanément d'expression. Elle était indifférente, elle devint affable. « Ah, monsieur, dit-il en s'inclinant, que je suis heureux de vous rencontrer. Ce m'est un vrai bonheur de connaître enfin le grand-père de Mademoiselle Marthe, de celle dont j'espère être bientôt le mari. » « L'honneur serait grand, en effet, dit Monsieur Alzinbert après un long instant de silence, pendant lequel il avait regardé Saint-Ostrebert en face. « Mais vous allez beaucoup trop vite, monsieur, en vous disant déjà le mari de ma petite-fille. Vous ne l'êtes pas encore. « J'espère le devenir, et c'est là seulement ce que j'ai dit. « En tout cas, vous prenez vos désirs pour des espérances. C'est un tort, et je dois vous prévenir que ces espérances ne se réaliseront pas. » Décontenancé par le regard de Monsieur Alzinbert, Saint-Ostrebert se troubla. « Ce langage, dit-il, a tout lieu de me surprendre. « Je comprends cela. Vous ne vous attendiez pas, n'est-ce pas, à l'entendre? Madame voudra bien vous l'expliquer, ou tout au moins vous donner les raisons qui me l'ont dictée. Je lui laisse ce soin, certain qu'elle s'en acquittera mieux que je ne pourrais le faire moi-même. » Et avant que Madame Denis et Saint-Ostrebert fussent revenus de leur surprise, il se leva et partit sans se retourner. Madame Denis et Saint-Ostrebert restèrent assez longtemps sans parler après cette sortie extraordinaire. Elle était haletante sur son canapé, et lui se tenait debout dans une attitude embarrassée. Enfin, il rompit le silence. « Voilà un brave vieillard, dit-il d'un air railleur, qui a le parler rude, comme il va. Les Landes sont décidément un pays tout à fait primitif, et les aborigènes sont comme leur pays. » Saint-Ostrebert croyait que Madame Denis allait l'interrompre pour lui faire des excuses. C'était ce qu'elle devait, puisque l'injure avait été commise dans sa maison. Mais il vit qu'il pouvait continuer longtemps ainsi. Sans l'attirer de sa réflexion, il changea de sujet. En réalité, il se souciait fort peu de l'accueil de ce bonhomme et il avait une préoccupation plus sérieuse. Que signifiaient au juste ses paroles sur ses espérances? Quoique brutal, dit-il, il n'est pas clair dans ses discours. Heureusement, vous devez les compléter et les expliquer. Je suis curieux de connaître les raisons qui ont dicté ces paroles, comme dit M. Alzinbert. Est-il vrai que vous puissiez me les donner? Madame Denis releva la tête. Saint-Ostrebert ne l'a jamais vue si pâle. « Ses raisons, dit-elle d'une voix tremblante, mais qui s'affermit bientôt, sont toujours les mêmes. Ce sont celles qui ont décidé la fuite de Marthe. Alors il est inutile de vous fatiguer à me les répéter, je les connais. Je crois au contraire devoir insister, car leur persistance leur donne une valeur de jour en jour plus sérieuse, au moins à mes yeux. À vos yeux, madame, sans doute. Que Marthe, aux premières propositions de son père, répondu par un refus, cela n'avait rien de bien grave, et l'on pouvait croire qu'elle reviendrait sur ses premières impressions formées à la légère. Mais au lieu de revenir, elle a avancé dans un sens opposé. Elle a pris la fuite pour se soustraire à... Dites à ma présence, cela est vrai. Maintenant, revenue ici, ou plus justement ramenée malgré elle, et voyant le désir de plus en plus persistant de son père de vous la donner en mariage, elle accentue son refus et emploie tous les moyens pour échapper à ce mariage. Je dis que cela est grave, très grave, et de nature à vous donner à réfléchir. Ce sont ces raisons que M. Alzinbert vient de m'apporter de la part de Marthe en me demandant de les faire valoir auprès de vous. Êtes-vous bien certaine qu'elles viennent de Mademoiselle Marthe elle-même et non de ce vieux philosophe seulement? Il me semble que Marthe s'est prononcée assez de fois pour qu'il ne soit pas possible de douter de ses sentiments. Qu'elle se soit prononcée autrefois dans ce sens, cela n'est que trop certain. Mais je ne parle pas d'autrefois, je parle d'aujourd'hui. Êtes-vous bien certaine qu'aujourd'hui, Mademoiselle Marthe refuse de ratifier le consentement de son père? Vous venez d'entendre, Monsieur Alzinbert. Monsieur Alzinbert, oui, parfaitement, mais non, Mademoiselle Marthe. Il a parlé au nom de Marthe. Il est le confident de toutes ses pensées. Elle a pour lui une vive amitié. Elle a une confiance absolue en lui. Inspiré autant par la tendresse que par l'estime. Il est bien certain qu'il vient de nous répéter ce qu'elle l'a chargé de dire. Ce sont les propres paroles de Marthe que vous venez d'entendre prononcer seulement avec plus de force. Il n'a pas osé affronter votre présence, c'est son grand-père qui a pris sa place. Il y a du vrai là-dedans, mais ce vrai ne se rapporte pas à la situation présente. M. Eisenberg a traduit les sentiments que Mlle Marthe éprouvait lorsqu'elle était près de lui, mais j'ai tout lieu de croire que ses sentiments ont changé. J'ai eu le plaisir, en effet, de me trouver en tête à tête avec Mlle Marthe avant-hier, et j'ai pu lui parler. Je crois que mes paroles ont produit sur elle un certain effet. C'était donc cette Ostrebert qui avait arraché à Marthe sa résolution. Comment? Par quels moyens? En tout autre moment, Mme Denis eût peut-être pu diriger l'entretien de manière à l'apprendre. Mais elle était dans un tel état d'excitation et d'angoisse qu'elle ne se sentait pas maîtresse de sa parole. Les mots lui échappaient sans qu'elle eût conscience de leur portée, et elle suivait mal les réponses de Sainte Ostrebert. Si grand besoin qu'elle eût de savoir la vérité, elle n'osait pas la provoquer. Elle avait peur de se livrer en la cherchant, et même elle avait peur de l'apprendre. Cependant, il fallait parler. Il fallait faire une tentative, la dernière. Si habiles qu'étaient vos paroles, dit-elle, elles n'ont pu changer les sentiments de Marthe, et il me semble qu'elles n'ont dû changer que sa volonté, si réellement cette volonté s'est modifiée dans le sens que vous espérez. La nuance est délicate entre le consentement et le sentiment, et c'est pour cela qu'elle doit vous toucher. Vous ne voudriez pas d'une femme qui aurait dit oui des lèvres et non du cœur. Eh bien, je crois que ce ne soit là ce qui arrive avec Marthe. En parlant à Marthe de son père, en intéressant, en exaltant sa tendresse. C'est précisément ce que j'ai fait. Je lui montrai que notre mariage assurait la tranquillité et le bonheur de son père. Sous le regard de Sainte Ostrebert, qui soulignait ses paroles, Mme Denis sentit que le cœur lui manquait. Elle espéra qu'elle allait étouffer, mais bientôt elle se remit. Elle était comme l'oiseau qui est enfermé dans une chambre qui voltige çà et là, éperdu, espérant trouver une issue. Il vole à la fenêtre, se brise la tête contre la vitre, tombe, se relève, vole de nouveau, retombe encore et persiste toujours tant qu'il reste un souffle. Elle continua. Vous avez pu, par ce moyen tout-puissant, amener Marthe à céder, mais après, on ne se marie pas pour son père, on se marie pour soi parce qu'on aime. Croyez-vous que Marthe vous aime? C'est une question que j'examinerai plus tard. Oui, mais c'est une question que nous devons, nous, examiner tout de suite. Quand je dis nous, je veux parler de M. Denis et de moi. De vous, madame? Sans doute. Jusqu'à ce jour, j'ai voulu ne pas intervenir dans le mariage de la fille de mon mari, mais c'est parce que j'espérais qu'il se ferait en toute liberté. Est-ce que vous allez me déclarer la guerre et vous ranger parmi mes adversaires? Je trouve que le mariage de Marthe dans ces conditions est impossible. Et vous voulez vous y opposer, vous, madame, vous? Mon devoir m'oblige à éclairer mon mari. Allons, décidément, vous voulez m'amener à renoncer à ce mariage? Et en me montrant M. Eisenberg, Mademoiselle Marthe et vous, ligués pour me barrer le passage, vous espérez me repousser. Il faut vraiment, pour risquer cette entreprise, que vous obéissiez à une pression irrésistible, ou bien il faut que je me sois bien mal expliqué avec vous lors des deux entretiens que nous avons eus au sujet de ce mariage. Je dois donc m'expliquer aujourd'hui plus clairement. Je vais le faire. Seulement, n'oubliez pas que c'est vous, madame, qui m'y obligez par votre opposition. Madame Denis ne répondit pas, mais elle pâlit au point d'être complètement décolorée. Cependant, elle resta la tête haute, regardant devant elle, ses yeux, perdus dans le vague, ne voyaient pas. « Je pensais, continua Sainte Ostrebert, que vous aviez apprécié à sa valeur la discrétion avec laquelle j'avais demandé votre concours, et vous l'avez fait demander par M. de Mériol. Il m'en coûte beaucoup de vous dire aujourd'hui qu'au lieu de me présenter en suppliant, j'aurais pu parler haut et exiger, si j'avais été un autre homme. Monsieur, je n'avais qu'à mettre en vos mains la lettre que voici, en vous demandant un échange. » Il lui présenta la photographie du billet qui lui avait été confié par M. de Mériol. Puis, sans regarder, il se tourna vers la fenêtre. Le froissement de papier le fit se retourner. « Vous pouvez le détruire, » dit-il. « J'ai 10 autres copies pareilles que j'ai fait faire quand M. de Mériol a eu la coupable faiblesse de me livrer l'original, car je voulais vous débarrasser de ce sot personnage, et je n'avais que ce moyen de le tenir. » Mme Denis s'était atterrée. Sainte Ostrebert lança un rapide coup d'œil de son côté, mais il ne put pas voir son visage, sa tête étant inclinée sur sa poitrine. « Comprenez, dit-il, qu'il ne faut pas pousser à bout l'homme qui a aux mains une arme pareille. La nature humaine est faible, et le désespoir peut l'entraîner à un crime, même à une lâcheté. ne me réduisez pas au désespoir. Ne vous opposez pas à mon mariage qui se ferait malgré vous. Soyons amis plutôt. Je vous assure que j'ai pour vous une sympathie vive, très vive, pour votre esprit, pour votre beauté. Je vous débarrasserai de ce grand garçon qui n'est qu'un niais, dangereux par sa naïveté. Vous ne le reverrez jamais et par moi, vous n'entendrez jamais parler de lui. C'est un grand malheur pour une femme de mal placer ses affections. Que n'était-il un homme intelligent au lieu d'être un sot? Oublions tous deux ce qui vient de se passer dans ce salon et vous trouverez toujours en moi l'homme que j'étais depuis que j'ai le bonheur de vous connaître. » Il y eut un moment de silence qui se prolongea pendant plusieurs minutes. Enfin, Madame Denise releva la tête et, regardant cette Ostroberte en plein visage, « Vous pouvez me déshonorer, dit-elle, mais je ne me déshonorerai pas moi-même. J'aurai le plaisir de vous voir demain. La réflexion, madame, ne vous roidissez pas contre la réflexion et son influence salutaire. »